pouvez pas m'coûter la vie. Non, non. Yo, zone botanique, au bête, 4 chaussures, au camion pour le masse. Sortez, vous j'ai des lobettes, je me gagne, ça je te donne. Je t'ai vu partir comme une comète, j'ai pas su tenir toutes mes promesses. Persuadé que t'en as pas de comète, je savais, mais je l'ai fait quand. Si le tout tape à ta porte, c'est only you, only me.